بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد فا comme à notre habitude on va commencer par quelques questions à propos du cours précédent. Qui est l'alim, le savant? Tfadl Hakim. Celui dont les savants disent de lui qu'il est savant. Khlas. Tout simplement, barakallahu fik. Celui dont les savants ont attesté de lui que c'est un savant. C'est une manière concise de définir quel est le savant. Quelle est cette science, l'ilm, qui est élogieuse ou à propos de laquelle Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait dans les textes les éloges ou l'éloge? La science du Coran et de la Sunna. Ahsant. Ahsant. La science religieuse, la science de la religion, la science du Coran et de la Sunna. Et on a dit que la science, on a divisé la semaine dernière la science en plusieurs sortes. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Fadda. On avait dit profitable, non profitable, celle qui est nocive. Alhamdulillah, ahsant, nuisible. Ahsant. Donc on avait dit que la science se divisait en science profitable, ilmun nafi', et science qui n'est pas profitable, et la science qui est nuisible, qui nuit à la personne. On avait dit la science profitable, la science de la religion, du Coran, de la Sunna. De même qu'une science mondaine qui pourra être profitable pour toi comme pour les musulmans. Une science qui n'est pas profitable. Par exemple, Fadda. Sans aucun doute, la rhétorique, c'est une science qui n'est pas profitable. Et c'est une science même qui peut te nuire. Mais par exemple, une science non profitable, on peut dire toute science qui ne te profite pas pour toi dans ta religion ou dans ta vie mondaine, comme une science que tu vas apprendre qui va te faire perdre ton temps. À ce moment-là, tu auras pu apprendre une chose qui t'aura été profitable. Et une science qui est nuisible, par exemple. Mahdi, Fadda. La sorcellerie, par exemple, Ahsant. La sorcellerie, c'est une science que les gens apprennent. Mais c'est une science qui est nuisible. Comment peut-on répondre à ceux qui disent des savants de la Sunna, les savants des règles et des monstrues, ou les savants du palais, comme ils aiment à le dire? Comment on peut leur répondre? Hamid, Fadal. Alors, on dit que c'est la science qui est plus étudiée, qui est plus. Hein? Plus dure. La plus dure, moi. Ahsant. Ahsant. Omar, Fadal. Ça veut dire que c'est un complément à Melandou, car c'est partie des sciences qui est compliquée à. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fik. Barakallahu fikoum. Une manière douce et légère de leur répondre. Et sans aucun doute, les gens qui disent cela, si tu entends une personne dire « Ces savants, ce sont les savants des règles et des logis, les savants du palais, etc. » Qu'est-ce que tu penses de cette personne? C'est une personne, sans aucun doute, qui n'est pas sur la sunna. C'est une personne qui n'est pas sur la sunna. Et une manière douce et légère de leur répondre, comme les frères ont dit ici, Hamid et Omar, de leur dire que premièrement, la porte ou le chapitre de l'Hayd, les menstrues, et de Nifas, les lochis, est, comme le disent beaucoup de savants, le chapitre le plus difficile dans la science de la jurisprudence, le fiqh. Et nous voyons que l'imam Ahmed ibn Hanbal, al-Shaybani, rahimahullah, imam Ahl al-Sunnah, a passé 9 ans dans le chapitre des règles des lochis. Si vous catégorisez nos savants de règles et de lochis, en réalité, c'est un éloge que vous leur faites. Puisque vous catégorisez ces savants de ceux qui ont maîtrisé le chapitre le plus dur dans la jurisprudence. Mais sans aucun doute, les gens qui disent ça, ils ne veulent pas cela par ces paroles. Plutôt, ils veulent les dénigrer. Mais c'est une manière douce et légère de leur répondre. Une chose que j'avais oublié de détailler la semaine dernière, on va la détailler ici dans les questions. Qu'est-ce que el-fiqh? Qu'est-ce que le fiqh? Tfadda. C'est c'est la compréhension de la religion avec les preuves. Et les preuves, c'est le Coran. Les preuves du Coran et de la Sunna, Ijma, et Qiyas Sahih. Ahsante. El Fiqh, vous vous rappelez que Cheikh l'Islam, dans le fondement que nous avons étudié la semaine passée, le quatrième fondement, a dit Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. C'est-à-dire, dans le sens approximatif de ces paroles, déterminer ce qu'est la science, al-ilm, qui sont les savants, al-ulama, et ceux qui s'apparentent à eux mais n'en font pas partie. Mais ici, dans la traduction, le traducteur a défini ou a traduit al-fiqh wal-fuqaha. En fait, il s'est contenté de dire déterminer ce qu'est la science, qui sont les savants. Alors que ici, Cheikh l'Islam dans al-matn, dans le livre, il dit bayanul ilmi wal ulama, déterminer ce qu'est la science et les savants, wal fiqhi wal fuqaha. Et qu'est-ce que est déterminé donc ce qu'est al-fiqh et ceux et qui sont al-fuqaha. Donc nous voyons que on a deux termes ici, al-ilm wal fiqh. Al-ilm, la science, est un terme qui est plus large que al-fiqh. Al-fiqh, dans la langue arabe, c'est al-fahm, la compréhension. Et c'est que ce qui est venu dans certains textes, comme le hadith que j'ai rappelé la semaine dernière, « Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid din » Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne al-fiqh dans la religion, la compréhension dans la religion. Comme l'a dit le frère Zallahu Khayra, c'est ici, c'est la compréhension qui est voulue. Al-fahm. Et la science, al-ilm, est un terme qui est plus général. Mais al-fiqh, c'est quelque chose qui est plus particulier. Soit c'est, selon son sens linguistique, la compréhension, qui englobe aussi tout ce qui englobe al-ilm, la science. Soit c'est un terme plus précis, et c'est celui que le frère a détaillé ici. C'est celui que je vais expliquer ici, al-fiqh. Ce qu'on pourrait traduire en français comme la jurisprudence. La jurisprudence. Une définition simple et concise de la jurisprudence, on dira, comme l'a dit Cheikh Abd Salam Ibn Barjes, rahimahullah, ma'rifatul ahkami at-tafsiliyya. Ma'rifatul ahkami at-tafsiliyya. Dans une traduction approximative, c'est la connaissance des règles détaillées. Al-fiqh, la jurisprudence, c'est la connaissance des règles détaillées, comme al-wudu, was-salah, was-zakah et autres que cela. Donc la connaissance des règles détaillées. Et une autre manière de définir al-fiqh, on dira al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya. Al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya bi adillatiha at-tafsiliyya. Dans une traduction approximative, c'est al-fiqh, donc la jurisprudence ici, c'est la science des règles religieuses pratiques. La science des règles religieuses pratiques à partir de leur, c'est-à-dire les règles, à partir de leur preuve détaillée. La science des règles religieuses pratiques à partir de leur preuve détaillée. C'est-à-dire que le fiqh, c'est la science dans laquelle on étudie les règles religieuses, pas mondaines, pratiques, pas qui ont attrait à la croyance, mais bien les règles pratiques, comme on l'a dit précédemment, comme le wudu, was-salah, was-zakah, la prière, l'aumône, le jeûne et autres, à partir de ces preuves détaillées. Les preuves détaillées, ce sont les preuves du Coran et de la Sunna. À l'inverse de preuves générales, qui seront des règles générales, comme de dire par exemple, comme règle générale par exemple, al-amru yaqtadi al-wujub. L'ordre implique l'obligation. Ça, c'est une règle générale. On dit l'ordre implique l'obligation. Lorsque ton père te dit fais ceci, il te donne un ordre, ça veut dire que tu es obligé de le faire. Ça, c'est une règle générale. Et en fonction de l'ordre que te donnera ton père, on détaillera, par rapport à cette règle générale, par rapport à cette preuve générale, cette règle générale, qu'est-ce qu'il en est s'il t'ordonne de faire telle ou telle ou telle ou telle ou telle chose. De même, si Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonnent de faire quelque chose, on dira Allah azza wa jalla dans ce verset a ordonné la prière. Donc, ce qui résulte de cela, c'est que la prière est obligatoire. Ça, ce sont les règles générales ou les preuves générales. Mais ici, on parle des preuves détaillées. Donc, directement, on prend le verset, wa aqimus salah, de ce verset, on sort que la prière est une obligation. Et on connaît les règles de la prière. Vous comprenez ? Ça, c'est le fiqh. Donc, la connaissance des preuves, la connaissance des règles religieuses, pratiques, à partir de ces preuves détaillées. Ça, c'est le fiqh. Qui est Al-Wali ? Fadl Omar. Le croyant pieux. Le croyant pieux. Tout croyant pieux est un Wali, un allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. On traduira le terme Wali par allié ou parfois par le pieux. Certaines fois, on le trouve dans certains livres traduit comme le saint. Et ça, ce n'est pas une expression qui est utilisée chez nous les musulmans. Le saint. Mais on le trouvera parfois traduit comme cela.